Et non, ce n'est pas CM Punk que nous recevons. Par contre, aujourd'hui, on fête quelque chose d'assez intéressant pour nous, puisqu'on fête nos 2 ans dans un podcast spécial avec toute l'équipe, enfin une bonne partie de l'équipe. Il manquera juste notre copain Tifo qu'on embrasse. Moi, je lui fais un gros bisou à Tifo. Bien baveux. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Il célèbre la superbe victoire de Nantes 1-0 chez un club amateur en Coupe de France, c'est ça? C'était l'information inutile de Sébastien. 7ème division. Alors je disais donc nos 2-1, donc sans Tifo qui a un match de handball, donc on lui fait un petit coucou, on l'oublie pas Tifo, il sera de retour très prochainement. Alors on va vous présenter un petit peu avec qui nous sommes, on est nombreux. Salut Vincent. Salut tout le monde. Salut Orbaz. Salut. Alors on a affaire à Orbaz ou à Orbazette? On va au Orbaz. Orbazette, il n'y a plus d'Orbazette. Hein. Merde. Déjà, la Orbazette, la première du nom, pour moi, elle est morte et enterrée. Et la deuxième, on n'en parlera pas non plus. Voilà. Et là, il y a Renaud, Rennes 06. Salut Renaud. Salut tout le monde. Renaud qui a préparé un superbe questionnaire. C'est pour ça qu'il est là. Normalement, il était peut-être un petit peu trop jeune encore dans le podcast. Pour c'est participer ça, ouais. À l'anniversaire, mais on a finalement donné quelque chose d'intéressant. On lui fera faire donc le gang quiz. Verpa d'Oro remettra son titre en jeu d'ailleurs. Salut Verpa. Salut. Un des derniers wrestlers originaux, parce que je vois qu'on est plus nombreux là, après 2 ans. Il ouais, y a qui encore qui était présent à l'émission numéro 1? Il y a moi et toi, et MP. MP. Voilà. Parce que Broussi, mais ça veut dire quand même que l'équipe se renouvelle bien. Ouais, mais Boosty aussi fait partie presque des originals, ça. Bah ouais, oui. Mais j'ai attendu avant d'avoir le micro, c'est sa différence. J'étais sur le chat, ouais, je sais. Il était timide. Ouais, bah d'ailleurs, salut. Salut Boosty, d'ailleurs. Oui. Que faire. Mister Alsace, Sébastien, salut. Salut Gus. Et d'ailleurs, petite information comique, j'ai vu que demain, 9 décembre, ce sera la journée internationale contre la corruption. Donc j'espère que Renaud n'est pas corrompu pour ce questionnaire. T'en fais pas. L'année dernière, Gus. Ouais, l'année dernière, je l'ai encore en travers de la gorge. Toi, t'avais fait. Bon, j'espère que ça va bien se passer, j'ai pas envie de me faire fouetter, moi. Gus, c'est notre Brad Maddox. On appellera le père fouettard. Et le Canada est là, salut MP. Et oui, salut à tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien avec le micro de mon iPod, mais ouais, c'est les ressources que j'ai en ce moment, donc je vais prendre ce que j'ai sous la main et essayer de passer l'émission avec vous. Non, tu poses ça, MP. Pas maintenant. Hashtag MP se la pète avec son matériel de Apple. En attendant, son micro il est pas mal. Hein. Ouais, on entend mieux qu'avant. Non, franchement pas. Donc franchement, voilà. Juste ton casque. En fait. Fort, mais... on entend plus fort, mais moi je préfère avant. Comme on l'entend que d'habitude. Mais de quoi nous allons parler, messieurs? Bah. Voilà. Bah, mais, là, c'est fini. Voilà. C'est fini, merci d'avoir suivi Wrestles Radio. Wrestles Radio fête ses 2 ans, merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Voilà. Et Renaud, on l'aura fait travailler comme un esclave pour rien. Bah justement, on va en parler. Non, mais tout ce qui touche au catch, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Et allez, d'ailleurs, c'est pour quand le salaire, Gus? Pour jamais. Ah merde. Pour quand on sera millionnaire, peut-être, mais... Alors je disais donc on va vous dévoiler un petit peu les coulisses d'une organisation de podcast, comment on fait pour s'organiser. On vous parlera aussi de l'année qui s'est écoulée pour nous, qui a été quand même assez brillante. Et bien sûr Monsieur Verpa remettra son titre en jeu pour le plus grand. Enfin pour le. Je le garde encore une petite heure. Hmm. Je profite de ma dernière heure en tant que champion parce que là il y a quand même de la concurrence. Un programme, c'est alléchant quand même, ça va être sympathique tout ça. Voilà. Ça a l'air de vous emballer. Quand Gus il pose une sorte de question comme ça, un peu divagante, c'est il attend des réponses, ouais, ça va être super et tout, et il se prend un méga vent. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Garde nos forces pour le questionnaire, c'est ça. Ah, merci Renaud, c'est pour ça que tu restes. En plus, tu m'appuies souvent, donc c'est super. Merci Renaud. Deuxième astuce pour faire un bon podcast, toujours le commencer une demi-heure à une heure en retard après le rendez-vous prévu. Ouais. Ça, c'est la caractéristique fondamentale d'un podcast. Si vous commencez à l'heure, ce sera pas bon. Si vous commencez à l'heure un podcast, eh bien, il sera raté. Cherchez pas à comprendre. Comme là, on est en train de rater l'intro, tu vois, c'est pareil, c'est un concept. Voilà, exactement. Ah, c'est toujours l'intro. Ah, d'accord. Non, non, c'est pas l'intro. Non, mais il me semblait que là, on avait bien enchaîné. Oui, non, non, mais du coup, c'est bien, merci, Orbaz. Pas de jungle, je me posais la question, mais bon. Tiens, Renaud, toi, comment trouves-tu notre organisation sublime pour préparer les podcasts? Oh, elle est magnifique, elle est magnifique. J'adore, c'est super. Là, j'étais sur cette émission-là, je me suis dit, ouais, ça va être super bien préparé, super bien calé, et je trouve ça mais formidable, magnifique. Franchement, c'est nickel. J'ai pas stressé du tout, je me suis bien préparé mon quiz. Je suis venu là, je me suis dit, ça va être nickel. C'est nickel, il n'y a pas de souci, c'est très bien. On vous prépare ce podcast-là depuis près de 2 mois, et on n'a rien fait avant cette semaine, enfin avant hier, même peut-être avant cet après-midi. Pour vous dire, superbe organisation tout ça. Magnifique. Ah, c'est génial. Vincent, t'avais quelque chose à dire, je crois? Oui, un conseil aussi, c'est regarder le show si on fait une review, parce que ça évite de confondre Jesse de la TNA et Jesse de la WWE, n'est-ce pas, Jesse? Ouais, mais ça va, j'ai confondu Jesse, le qui était le cousin de notre Gogol, et j'ai confondu Jesse, l'autre Gogol de la TNA, voilà. C'était bon celui de la WWE avec Festus. Ouais, mais c'était une bonne époque. Ouais, oui, mais l'autre il est pas bon aussi. C'est Snooki quoi, mais en mec. Lol. Sinon, il a participé à Jersey Shore lui aussi. Bah, je crois que c'était Big Brother le nom de la. La oui, Big Brother. Ah, c'est oui, la réalité très connue là-bas. Il a fait le Love Story quoi. Ouais. Bah, il y a aussi Kevin qui avait confondu Mason Ryan à Madison Rayne. Oui. Exact. Ah oui, ne pas dormir pendant les enregistrements, ça aide aussi des fois. Aussi, pour un bon podcast, c'est une bonne intro, ce que loupe toujours Gus. Quoi? Nous n'avons pas. Quoi? Clash. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Clash. Moi, je me souviens surtout, c'est d'une intro où t'as commencé à faire le wesh, en fait. T'es lancé genre mode wesh et tout. Salut, wesh. Bien ou bien. En buzz. Je m'en rappelle pas. Ah si, on avait bien répondu. Moi je me rappelle de mon bip bip. Ouais, bip bip. C'est récent ça. Oui, c'est récent. Oui. C'était sur le Vintage. Ouais. Bah oui, c'était la dernière fois. Oui. C'était la dernière fois, ouais, voilà. Exactement. Moi j'étais pas là, tiens. Moi je me rappelle d'Orbaz qui faisait une intro médiévale. Ah ouais, ah non, mais celle-là, ça c'est un grand regret, l'intro médiévale, parce qu'avec le montage, on m'entendait pas en fait. Il y a Vincent qui fait quelque chose aujourd'hui. Ouais, je fête mon année de chroniqueur sur SOS Radio, un petit peu, parce que je me souviens que mon premier podcast c'était sur Survivor Series 2011. Donc ça fait un an, presque. Est-ce que Renault arrivera au 1 an aussi, on l'espère, hein? Et oui, chaque année, un nouveau de qualité. On va voir. Ça fout la pression un peu. Oh, vous savez qu'on peut vous dire comment ont été recrutés Vincent, Renault et Orbaz. Sébastien, pardon. Ouais, parce que Orbaz, franchement, non. Ne parlons pas des circonstances, ça peut gêner. Ouais, c'est à cause de VoxCatch. Puis bon, ouais, c'était pas très... Ça peut heurter la sensibilité des jeunes. Et voilà. Il y a des moments comme ça dans la vie. C'est interdit au moins de 18 ans, tout ça. Ça tombe bien, j'avais pas 18 ans. Oh merde. T'avais la majorité sexuelle au moins. Bah oui. Ouais, c'est bon, ouais, fallait bien, parce que sinon j'aurais pas eu le droit de faire ce que j'ai fait. Pour tout vous dire, Vincent, comment t'étais recruté? Vas-y, raconte-nous cette histoire. Bah, il me semble que je t'avais envoyé un message sur le forum en disant que je voulais bien participer au podcast, sauf que comme j'avais pas posté un seul message sur le forum, tu m'avais dit participe un peu, puis après on verra, et le verra s'est transformé en podcast. Et voilà. C'est mouvant. Arrête, on dirait Gérard Louvain. Ah non. Non, raconte-nous. Pas les insultes. Eh ben, j'étais sur un forum concurrent, mais néanmoins ami FN Lutte, et j'étais un auditeur fidèle de votre émission, et je t'ai tout simplement envoyé un message pour demander si je pouvais participer, et finalement, c'est resté depuis plus d'un an maintenant. Voilà. Et Renaud, comment as-tu été recruté? Ouais, bah c'est pareil que Seb presque, hein, parce que c'est grâce à ses messages, sa pub sur FN Lutte, le forum. J'ai écouté, j'ai bien aimé, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien moi aussi. Un jour, il a liké la page Facebook. Ouais, Del Rio El Patron. Mmh. El Patron. Et puis là, il s'est dit, c'est grave. Et je me suis dit, c'est grave que je sois pas dans cette émission. J'aimerais bien rejoindre ces types et c'est super, franchement merci. Au début, merci à Seb aussi. Au début, il n'osait pas tellement que ça. Au début, tu t'osais pas tant que ça. Hein. Non, mais au début, j'écoutais surtout. Je savais pas qu'il y a une page Facebook déjà. Puis voilà, c'est super. Ouais, c'est nickel. On se croirait un peu à 7 à 8 Gus. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on va passer au prochain sujet avec l'année écoulée. On a reçu donc Sylvain Garnalec maintenant à deux reprises. On a reçu Norbert Feuillant, Marc Chavet, Célian Varini et Greg Di. C'était une superbe expérience à chaque fois. Quoi. Et oui, c'est quand même l'année de l'explosion, ouais, parce qu'il me semble qu'avant cette année, on n'avait jamais eu des invités. Non. Le seul invité qu'on avait reçu, c'était Orbaz, et depuis, Orbaz est dans l'art. Mais moi, je suis resté, tu vois, j'ai vu les meubles, puis je me suis dit, tiens, je vais installer les affaires. C'est ça. On a aussi une émission internationale, parce qu'on avait reçu quand même Red Dog au début, qui était quand même portugais vivant en Suisse. On avait, on en avait qui était pas loin de l'Allemagne quand même. Puis bon, Gus, est-ce que Arles-Avignon c'est en France? On verra bien. C'est de Bagnoles sur Cèze, c'est Arles-Avignon, je vois. Et puis surtout, on a MP, quoi. Oui, on a surtout MP. Ah oui, oui. MP, c'est notre représentant international au quotidien, quoi. Bah oui, il a été jour chez lui, par exemple. Et on va vous avouer quelque chose, Sébastien qui avait eu l'accord de Tom Laroufa quelques jours avant qu'il ne parte à la WWE pour un podcast, mais bon, ça n'a pas pu se faire. C'est pas de chance, j'ai envie de dire, parce que c'était 7 jours, une semaine en fait, avant qu'il se soit faire engager par la WWE, et donc malheureusement, maintenant qu'il est là-bas, il ne peut plus faire les podcasts qu'il veut, et donc on n'a pas pu l'avoir. On vous prépare des belles choses pour les prochaines semaines. Oui, bah, pour l'année prochaine, on va déjà bientôt préparer les awards. Les awards, exceptionnellement, cette année, les awards de 2012 auront lieu début 2013 pour la simple et bonne raison que l'on veut inclure WWE TLC cette année. Oh oui, ça s'annonçait. Hein. Ça va être sûrement dans les awards, tiens. Awards, ça veut dire récompense, hein. Ouais. Ça pour les anglophones. On n'a pas dit les crappes. Enfin, franchement, juste pour faire une parenthèse catch, le dernier Raw, franchement, ça va. Il y a pire, il y a mieux, mais ça revient un peu, quoi. C'est. Ouais, de toute façon, le problème aujourd'hui, c'est des storylines. Oui. Bon, on va pas commencer là-dessus, parce que sinon, Tu sais très bien qu'avec moi et MP, ça va durer 3 heures. C'est ça. Et faut quand même qu'on détrône notre cher ami Verpa. Ouais, même prends ton temps, si tu veux faire une review de Raw, NXT, la PWS, la Smash, les vols. Ouais, mais là, le numéro, il va durer 6 heures, mec. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Ah, sinon comme le DMP, il y a eu aussi diversification au niveau des émissions, parce qu'avant on n'avait que Sunday Night Wrestles et... Non, attends, je t'explique, avant on avait Wrestles Radio, puis on en a eu marre, on a fait Sunday Night Wrestles et Impact Wrestles, puis on se faisait chier, on a fait Vintage Wrestles Radio. Et il y a aussi Indie... Et Summer Wrestles. Et surtout, il y a aussi Indie Wrestles. Aussi, ouais, il n'y a eu qu'un épisode pour l'instant, mais c'est fort. Est-ce que Vintage, on refait? Oui, Vintage, normalement, on va refaire, oui. Pourquoi pas, s'il le redemande. Quand je dis il, je parle des auditeurs. Hein. Donc, on soit d'accord. Pourquoi Verpa nous donne un lien YouTube, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'Iviacide dedans. Ah merde. D'ailleurs, je me posais une question fondamentale. Qui de Sin Cara ou de DiBiase va avoir le plus d'awards? C'est DiBiase. Hein. au niveau du fantôme ou quoi? Ouais, voilà. je sais pas. De le fantôme. Le Gérard. Le Gérard du mec qui sort à rien. Je voulais faire les Gérards et apparemment Darren il voulait les faire, mais je sais pas s'il va les faire. Mais les Gérards en fait, le gros problème par exemple pour les Gérards du catch en général, je parle personnellement, c'est de trouver des bons sujets parce que bon, l'émission à la base a tellement de sujets quand même bien cherchés qu'il faut quand même pas prendre le concept et le balancer comme ça à la poubelle. Ah non, mais de toute façon, faudrait pas appeler ça les Gérards, faudrait appeler ça les. Ouais, bref. Les Guillaume ou les Pierre, je sais pas. Non. Non, merde. Les Jean-Michel Maire. Les Jean-Michel Maire, les rois du troll, quoi. Les Tub Awards. Voilà, les Tub Awards. Les Titus O'Neil Awards. T'es dégueulasse, mec. T'es dégueulasse. T'es écouté, je crois qu'on a assez parlé de l'année écoulée. Non, il y a certaines annonces. Le mec, il a... Ah oui, c'est vrai, il y a aussi, il va nous faire une annonce, ouais. Ah bon? Une annonce? Oui, tu avais dit ça tout à l'heure. Ah oui, qu'il y aura une petite surprise musicale. Une grande surprise musicale. On a une grande star internationale. C'est une petite qui va... Non, mais une petite qui... Oh, il n'a pas voulu me le dire et tout, et... Oui, t'aurais pu me le dire. Surprise musicale? Ah, mais ça, je sais ce que c'est, déjà. On prévoit du très très... Non, mais Renaud ne chante pas. Il y a Johnny avec nous ce soir? Il y a Johnny, là? Non. Non, mais Renaud, tu vas être ébloui parce que tu peux pas savoir comment ça a été fait. Et c'est vraiment mais un travail, c'est ça fait et ça fait juste un an que ça doit sortir. Je vais regarder la date, mais ça doit être fin novembre, je crois. Ouais, fin novembre, c'est pas ce que je pense. C'est ce que je pense, ok. Ouais, ouais. Ouais. Oui, ça fait un an que ça doit sortir, ce machin. Oh, j'ai hâte. Oh non. Ah, franchement, faut rester. En plus, bon, si c'est. Ouais, voilà. On pense à lui. Voilà. Salut, Ben. Ouais, coucou. Parce que franchement, ça fait un an qu'on vous le promet. Et là, ça va être génial. Ah, oui, non, pour l'avoir écouté, il est énorme. Hein. Ah, oui. C'est du casou, toi. Évidemment, il n'y a pas les tout derniers qui sont arrivés, genre Damien Sendo, parce qu'on aurait pu le faire. Mais vu qu'on a pris un petit peu de temps, ça reste, c'est comme le bon vin, ça s'est bonifié. Ça s'est bonifié, ouais. C'est ça. Est-ce que vous avez encore une annonce à faire, Vincent? Je vais faire un tour de table. Vincent, une annonce. On va faire coucou à Kevin, quand même. Oui, coucou Kevin. C'était Kevin quoi, ça? Actuellement sur Radio Dalek. C'est Kevin qui nous passe le coucou. En fait, Kevin, lui, il a compris le principe de l'émission. C'est qu'il est parti vers les concurrents encore meilleurs. Et nous, on est tous obligés de rester à Wrestle Radio. C'est salé. Orbaz, une annonce à faire ? La prépa, c'est usant. J'ai un dos qui s'amuse à jouer les Picasso du dimanche. Et voilà, non. Non, mais sinon, voilà, c'est rien de spécial comme ça. Mais bon, ça fait plaisir d'être sur Wrestle Radio. Le plus fréquemment possible. Ça fait plaisir de parler avec Sylvain Garnalec. En général. Toi, tu t'engueulais avec Sylvain Garnalec. Ce n'est pas non, bon, franchement, non, mais franchement, comme il l'a dit, voilà, c'est pas méchant, c'est comme ça, c'est pour rire. C'est... Voilà. Après, on s'est fait un bisou. MP, un mot, peut-être. C'est bon, merci. Tristratus. Vas-y, MP. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'annonce spécifique à faire à part que. Faut célébrer nos 2 ans quand même dans ce super quiz. Et j'ai mon anniversaire aussi dans 2 jours, donc ça tombe bien. Le chiffre 2 est à l'honneur aujourd'hui. Encore un de décembre. Ouais, ouais. Décembre, c'est le meilleur mois de l'année. Hein. Et oui, d'ailleurs, il y avait l'anniversaire de Ben aussi le même jour qu'Orbaz. Ouais. Bah ouais, attendez, Ben, moi, il y a Maxime juste derrière, enfin MP, pardon, je brise le cahier. Moi j'aurais juste un mot à dire, c'est Camoulox. Verpap, non, peut-être une annonce à faire, même que tu l'as déjà fait, je sais pas. Non, j'ai déjà fait avec Brousty, c'était une annonce commune. Sébastien, peut-être une annonce à faire. On annonce, c'est que j'ai 20 ans le 7 avril, c'est-à-dire le jour du prochain WrestleMania, donc vous savez quoi m'acheter pour me faire plaisir. C'est un peu trop cher, monsieur. Et je crois qu'il y a aussi une annonce. Ben ouais, 2 trucs, parce que Vincent, lui, est timide. Alors, il parle même pas d'Instant Catch, là, qu'il a quand même fait un blog, qu'il en parle jamais. Alors, c'est pour ça, là, où vous voyez toutes les notes. Mais moi, j'étais pas au courant. Un avis. Instant Catch a un blog. Eh ben, il y a un blog WordPress que je peux vous filer sur le chat et que je ferai. Sinon, vous pouvez aller voir aussi sur la page Facebook d'Instant Catch. Vas-y, donne-moi le nom de ton site. Instantcash, hein. toutcollé.wordpress.com, tout simplement. Merci. Et vous pouvez voir les épisodes sur Dailymotion. Il y en a 30 pour l'instant. Le dernier étant les Survivor Series. Est-ce que tu en as eu qui ont été supprimés? Non. Il n'y a pas non, trop longtemps. Aucun. Moi, j'ai réussi à tous les mettre. Putain de merde, moi j'ai eu 4 matchs qui se sont fait supprimer il n'y a pas trop longtemps. Non, mais c'est bizarre parce que je sais que par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, Simon Gosselin, qui fait des mashups sur YouTube, il se fait régulièrement supprimer sur Dailymotion, ce qui fait qu'il peut mettre que sur YouTube. Et moi j'ai le problème inverse en fait. Quand je veux publier sur YouTube, ça se fait supprimer direct, alors que Dailymotion, jamais, à part une ou deux fois, mais en réuploadant ça passe, j'ai jamais eu de problème. Et sinon, une petite promo aussi pour quelqu'un du forum là qui a ouvert sa chaîne Dailymotion, ouais, voilà, Besteriz, avec beaucoup de catch anciens. Donc, le nom de la page, par contre, parce que vous avez. À la différence entre Instant Catch et sa chaîne, c'est que sa chaîne, c'est des vrais, enfin, des épisodes télé, quoi. Commenté oui, par. Oui, c'est vraiment commenté en français. D'ailleurs, il y a le DVD de CM Punk en français, ben sous-titré. J'ai vu ça d'ailleurs sur sa page il y a une semaine, je crois. Fait sous-titres. Non, je crois que c'est originaux du DVD. C'est original. Oui, c'est Besteriz, pardon, Wrestling French Video, voilà, au pluriel. Il y a vraiment tout, ouais. Dernièrement, un match japonais, même en français. Donc, Je pense qu'on peut passer au grand questionnaire avec un petit jingle. Est-ce que t'es prêt, Ron? Moi, je suis prêt. Raciste. Are you ready? I'm ready. No, I said, are you ready? Pardon. Merci en base. Un petit jingle. C'est majeur, je vous jure. Hein. J'ai la voix qui mue. Hein. Attends. Ouais, j'en profite. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, petit jingle et on passe au questionnaire. On doit parler de questionnaires. Maintenant, les règles du jeu n'ont pas changé. Toujours. Combien de questions, Renaud? Alors, 48. 48 questions. On est autant que l'année dernière, je crois, maintenant, en plus. J'espère que tu as bien fait comme je t'ai dit. Hein. Tu gardes les questions les plus difficiles pour Gus et tu me gardes les plus simples. Ça va, yo, une année déjà. Donc, 7 ouais. C'est CM Punk jusqu'au bout, le mec. Il veut prendre son Brad Maddox et tout. Sauf que j'ai pas de Polyman. Il y a 8 thèmes, messieurs, il y a 8 thèmes. On a non. On a su... Oui, excuse-moi. Oui. On a su Tifo. Oui. Qu'on embrasse Tifo, d'ailleurs. Ouais, je savais, non, ça fait 3 fois, donc... Est-ce que tu as fait des questions de culture générale de catch? Non. Non, alors voilà. Il y a 6 questions par membre, chacun avait son thème. Mm-hmm. Je les ai mélangées en 48 questions. Mm-hmm. Donc voilà, celui qui prend la question de l'autre, il prend 3 points, c'est bien ça? Ça. Celui qui prend sa bonne question, il prend 2 points. C'est ça. S'il répond juste, bien sûr, dans les deux cas. Oui, c'est ça. Et il n'a pas aucune position de réponse, hein, on est d'accord? Ouais. On prend la parole comment? Alors là, par contre, Gus... Non, alors, c'est... C'est pas l'anarchie. C'est pas l'anarchie, on va faire ça correctement. Alors, par exemple, prends un stylo, là, et tu fais l'ordre de passage. Par exemple, MP sera premier. Ah, ok. Pourquoi? Parce que MP, il faut... C'est celui qui est le plus loin du micro, le plus loin de l'enregistrement, jusqu'à celui qui est le plus proche. C'est ça. Donc, alors, ok, ouais. Ensuite, je décide de mettre Orbaz en second. Orbaz est ton thème. Alors, moi, je vais passer en troisième. Ah, okay. Sébastien en quatrième. Mmh. Ça marche. En cinquième. Pas mal. C'est une bonne place. Moussi en sixième et Vincent en septième. Le meilleur pour la fin. Et Tifo, il n'est pas là. Il est donc on garde. Mais si vous tombez sur une question de Tifo, on la compte quand même. Hein. Tu l'as dit quand même. Comme l'année dernière, on avait dû faire avec Alvero, j'avais dû préparer des questions sur Jeff Hardy. Oh my god. Eh oui. Combien de temps pour répondre en fait? On a 20 secondes, on va dire 20 secondes. Ouais, faut pas aller sur Wikipédia, les gars. Ouais, voilà. J'ai assez bossé de mon côté pour pas me faire griller comme ça. J'ai rien ouvert, donc c'est bon, je suis tranquille à ce point-là. Je vous fais confiance à 100% quand même. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire les thèmes qui sont abordés par ordre de passage? MP, ton thème. CM Punk et la WWE, parce que Gus m'a restreint. Je voulais juste prendre CM Punk, mais bon. C'est CM Punk et la WWE. Voilà. Oui, on précise que c'est WWE et TNA. Hein. Ça sortira pas de ces deux fédérations. Je sais pas s'il y aura des questions TNA. Hors base. Les Money in the Bank Ladder Match. Mm-hmm. Oh, c'est serré, ça. Il n'y a pas 45 questions à faire dessus. Hein. Exactement. Moi, vous avez un peu... Alors, les gars, magouille. J'ai fait de la petite bite. J'avoue, j'ai fait de la petite bite. Vous allez être hyper surpris de ma part. Ça sera les pay-per-view de 2006. WWE. D'ailleurs, on entendait gros et au passage. Hein. Seb. Et moi, comme je sais qu'il y a beaucoup de fans de la TNA autour de la table, j'ai pris le thème TNA en 2012. Oh l'enculé. Oh, l'enculé. Ah oui. Oh, j'ai tombé dessus, moi. Bon, ça sent le screwjob. Ça sent le screwjob. Merde pas. Moi, j'ai pris la ECW de 2006 à 2010. Voilà, la ECW version WWE. C'est ça. Parce que j'ai enfin de finir l'année 2007 et j'ai mis un an à la regarder. D'accord, ouais, c'est très bien. Aussi. Le titre européen à la WWE. Oh putain, ça c'est le sujet de papy aussi, ça c'est bon. Oh, le thème. Mais en gros, c'est le thème que je vais vous refiler à vous tous et moi je prends les autres. Hein. pas bête. Ah, le papy. Attention, messieurs. Papy Brossard et Vincent. Le thème de Vince. Moi, j'ai pris le pay-per-view Royal Rumble. C'est large. J'aime beaucoup. Donc, c'est large. Royal Rumble, ça sera, je peux préciser, ça sera le pay-per-view Royal Rumble en lui-même. Et j'ai mis aussi des Royal Rumble match. Un mélange des deux. Royal Rumble, ça avait été pris par moi l'année dernière, non? Non, non, non. Non, c'était le Royal Rumble match. Ah oui, c'est vrai. Aïe. Ah, ah oui, c'est le pay-per-view dans son entièreté. Quoi, donc. Oui, mais bon, il y a des questions Royal Rumble. J'espère que j'ai pas posé les mêmes que l'année dernière. Hein. On verra bien, de toute façon. Au pire, ils s'en souviennent même pas. Voilà, donc. Alors, on y go, c'est bon? Allez, c'est parti. Un petit Gameplay. Jingle pour commencer, peut-être? Petit jingle? Allez, ça marche. Allez. If you smell. What the fuck? C'est un forêt d'air frais qui nous dit. TAEA, la chineur, la JWP au 20e siècle. 21e siècle, pardon. Merci d'air frais. De merde. Moi je dis, les matchs de lutte en Grèce antique. Oui, qui a gagné qui a gagné les Jeux Olympiques de l'année moins 586. Tu l'as dans le cul, hein. Pardon. Vas-y Renaud, tu peux y aller. Bon, c'est bon, on commence. Alors, là je choisis pas comme l'année dernière le nombre de la question. Si. Ok, mais c'est quoi le choix entre les nombres de questions? Entre 1 et 48. Mais moi, je commence par 1. Donc, tombe sur un thème qui n'est pas le tien. Ah. Oh. Est-ce que je dois préciser, c'est le thème de qui, quand même? Oui. Tu tombes sur le thème de Seb. Ah, oh, putain, bah, c'est pas si mal. Je reprécise le thème, quand même, TNA en 2012. Pour 3 points. Contre qui Bobby Roode conserve le titre de champion du monde à Sacrifice 2012. Sacrifice, en français. Rob Van Damme. 3 points. Recommencez. Merci. 3 points. En ladder match. Et je suivais pas la TNA à cette époque-là, en plus. C'est cool. Hors base 6. C'est mon anniversaire le 6, donc voilà. Roulement de tambour. Tu tombes sur un thème qui n'est pas le tien. Ah, les titres européens, moi je dis. Je veux ça. Tu tombes sur le thème de Vince. Ah. Je rappelle le thème Royal Rumble. Alors écoute bien, pour 3 points. Kane détient le record d'élimination au Royal Rumble 2001. Combien de catcheurs il a éliminé à ce Rumble là? Oh putain. Je sais. Alors attendez, j'entends bien s'il vous plaît les gars. Combien il m'a dit? 12. Ah, je suis désolé mon pote. C'était 11. C'était 11. Tout bon. Fais chier. Désolé. J'étais en base. Ah, on y va donc avec Gus. Ouf. Alors, on va tomber sur les bonnes questions quoi. C'est parti, vas-y, dis-moi. 48. Ah, 48 et tu tombes sur le thème de Mr. Spoiler Bruce Tim. Oh merde. Alors, en quelle année le titre européen fut retiré de la WWE? 2001. Non, à une année près. 2002. Ouais. Oh, vas-y. Fuck. Bon, mais c'est pas grave. Zéro. Seb. Je vais prendre le 14. Oui, d'accord, mais c'est le thème de Verpa. Ah. Alors, la ECW version WWE. Alors, qui était le leader du New Breed, le clan de la ECW version WWE? Qui était le catcheur, leader du clan New Breed? Je dirais Elijah Burke. Ah, c'est 3 points ça. Ah. C'est 3 points. Est-ce que tu l'avais, Verpa? Je l'avais. 3 points. Bien joué, hein, parce que là, fallait le trouver quand même. Hashtag The Pope à la TNA. Exactement. Il était aussi mauvais à l'époque que maintenant. Verpa, à ton tour. Numéro 7, s'il te plaît. Alors attention, parce que Verpa, je le rappelle, il doit défendre son titre. Verpa, c'est, tu tombes sur numéro que t'as... Le numéro 7. Ah, c'est bien ça, hein? Oui, numéro 7. J'aurais dû le prendre. Verpa, tu tombes sur le thème de Sébastien, décidément. C'est quoi? La TNA. La TNA en 2000. En 2000. Bon, pas zéro. Quel catcheur a mis un terme à la streak sans défaite de Crimson? Matt Morgan. Oh. Seb, vas-y, dis, voir. C'était James Storm. Oh. Ouais. Non, mais c'est un challenge, ouais. Je pensais que t'avais rien. Ok, Bruce Lee. Le 17. Le 17. Tu tombes sur un thème. Sur le thème de MP, CM Punk. Alors écoute bien. Ça a été quoi le premier pay-per-view de CM Punk à la WWE? Oh merde. Non, là, je sais pas, honnêtement. Là, j'ai un gros trou. Mais tente, on sait jamais, imagine. Ouais, WWE, déjà, c'était ici, il était à CW à l'époque, alors. One Night Stand peut-être. Moi, si je peux te dire, si je peux proposer quelque chose. Vas-y. Royal Rumble 2007. Non, non, non. MP, est-ce que tu l'as parce que c'était ton WrestleMania 22, il fait des films. Non, mais moi, j'aurais dit Survivor Series 2006. Ah, c'est ça. C'est ça. Avec Triple H et tout ça, la DX. Exactement. Et les Hardy Boys. J'étais pas sûr, merci. C'est ce qui me semblait. Ok, les gars, donc oui, je compte les points pour l'instant. On est à 3 pour MP, on est à 3 pour Seb et 0 pour les autres. Oh merde. On repart au début avec MP donc. Ah bah non. Mais non, t'as oublié Vincent quand même. Et voilà. On mourit à chaque fois. Malédiction. Vincent, c'est qu'il va perdre, alors c'est bon. Vas-y, Vincent. Le 19. Et notez ce que je dis comme question. Remarque, je les borde. Donc si jamais vous repassez sur la même, je vous dirai que c'est déjà pris. Le 19. Ouais. Ah ben on tombe sur le thème du grand absent. Oh putain. Le Nantais. Ah, le Tifo. Tifo, son thème c'était. Ah, je l'ai même pas dit le thème de Tifo tout à l'heure. Hein. Ah non. Surprise. Découvert. Allez, je le dis, c'est Laila. Oh putain. Ça soit... Ah, de tous les thèmes, c'est merdique. Ça me le surprend. Pire. Alors, il est même pas là, il est pas sujet de merde. Quel enfoiré. Bon. Alors, le 19. Au pay-per-view TLC 2010. Laila fait équipe avec Michel Makou, avec Beth Phoenix. Tu vas y arriver. Et elles affrontent pour la première fois de l'histoire des divas, deux divas dans un match de table. C'est la première fois dans l'histoire des divas qu'il y a un match de table par équipe. C'est facile. Bah, dis-moi qui. Heureusement que pendant les matchs féminins, je n'ai pas pissé, donc c'est Natalia et Beth Phoenix. Possible, moi je dis on enlève la moitié des points parce que Renaud il a donné la moitié de la réponse. Ah oui, mais ouais, c'est la faute à l'animateur, c'est pas ma faute à moi. Un point. Moi je choisis le numéro 2 pour faire la suite. Tu tombes sur Gus, le thème de Gus. Ah merde. C'était quoi déjà son thème? Pay-per-view WWE vers année 2006. En faire de mon mieux, mais bon. Pay-per-view de 2006, les M&M Clash. Oh, c'est facile ça. Je dirais, ce serait Armageddon 2006, peut-être, je sais pas. Oh que c'est faux. Vas-y, Gus. Je crois que c'est Abash. Oh que c'est faux. C'est pas loin de Abash, alors. Et on enlève trois points à Gus, là. C'est pas très loin de Abash. Jugement Day 2006. Ouais, Jugement Day, ouais. Ah, merde. C'est pas loin de Abash, de toute façon, c'était un ou deux pétards. C'est là. Non, mais c'est chéri, c'était pas Armageddon. Gus, t'aurais dû prendre Ryback comme thème. J'avais pas assez de 6 questions, je pouvais pas faire 6 questions sur Ryback là en ce moment. Bah, quelle est sa. Je vais répéter, mais. Quelle est sa catchphrase? Ouais, quelle est sa catchphrase? C'est Sidney mort. Vas-y, je suis chaud là. C'est bien, je te retire 3 points, Gus. Alors, je suis en classe prépa littéraire, mais je vais prouver que je peux compter. 1, 2, 4. Je prends la 4. Mm-hmm. Tu tombes sur le thème de Vince, les Royal Rumble. Encore ? Ah non ! Voleur de tête. Je te pique toutes tes questions. Hein, ma poule. T'es une pute en base. Merci. Allô. Alors en base, il y a 3 catcheurs dans l'histoire des Rumble qui ont gagné 2 fois le Royal Rumble sur 2 années différentes, consécutivement. Ok ? Cite-moi ces 3 catcheurs. Il y a Shawn Michaels, je crois, je suis pas sûr. Il doit y avoir Stone Cold, je suis pas sûr non plus. Et le dernier. Ah, qu'est-ce qu'il a pu regagner deux fois? Poète. Ah, fuck, alors, non, pas lui. Pff, non, je sais plus. Je crois que c'est, je vais dire Undertaker, mais je pense même pas qu'il en ait gagné un. Il a gagné le 2007, Taker, mais il en a pas gagné deux. Non, c'est Hogan. Ah, merde. Mais sinon, oui, il y avait Michael, c'est Austin. Ah putain! Ah, c'est couillant! Ouais, ouais, c'est cool. En bas, t'es une grosse pute, j'avais les réponses aux deux. Ah ouais, mais attends, Hogan, moi je le vois pas gagner deux fois. T'as craqué, si. Ouais, mais Hogan, si, il y a une époque, il était invincible. Donc. Bah ouais, je veux bien, mais voilà. 90-91 Hogan. Le 95-96 pour. Excuse-moi, 95-96 pour Michaels et 97-98 pour Stone Cold Steve Austin. Steve Austin gagnera après en 2001, mais entre temps, il y avait eu Le Rock et McMahon. Je veux pas me donner d'excuses, mais je sors 2 semaines de concours blanc, j'ai pas été révisé non plus. Ouais, c'est ça. Je suis un peu lessivé, les gars. C'est Gus. Alors, quelqu'un va choper son thème quand même ou quoi? La numéro 22. Hors base. Oh, putain. Bah, ça va, attends, mon sujet il est light. Oh, mais je m'en rappelle même plus, c'est quoi? Money c'est les Money in the Bank. Ah oui, les Money in the Bank, ça. Il est très light. Écoute bien cette question-là. Quel est le dernier catcheur à être tombé de l'échelle au Money in the Bank de WrestleMania 21 avant que Edge décroche la mallette? Pardon. C'est dur cette question. Oh c'est non. Je vous ai dit que j'ai pas fait. Tu vois, j'ai pas fait non plus. J'ai pas dit qui c'est qui gagne à WrestleMania 21. Expert, c'est vrai. Voilà. Qui est le dernier catcheur à être tombé avant que Edge décroche la mallette? Ah. Chris Jericho. Ah non, Chris Benoit. Merci. Chris Benoit. Non, c'était une bonne question en tout cas, c'est bien. Je te remercie. Là. Et tu... Il y a du niveau là. Voilà, j'ai un c'est peu essayé. Il fallait bien les visionner, oui, oui, voilà, c'est ça. Oui. Ah, merci. Il n'y a pas conspiration, ça, on va essayer. Seb, numéro 4, donc, dans la liste, vas-y. Dis... le numéro 18. Tu tombes sur le thème de Mister Spoiler, Broustille. Ah. Titre européen. Le British Bulldog, ça a été le premier champion européen de l'histoire. Il a gagné un tournoi, mais contre qui en finale? Alors, je suivais pas du tout le catch à cette époque, donc je n'ai tout simplement aucune idée. Donc, je vais tenter, ouais. Au pur hasard, Bret Hart. Ah, ah ouais. Oh là là là là là là là. C'est deux frères. Ah, c'est Owen Hart. Non. La Berlin. Je te jure, mais c'était vraiment. Ah, c'était pas mal. La Berlin, oui. C'est juste ça. Comme ça, c'est Bastien, on part comme l'année dernière à chaque mais fois. Mais oui, c'est reparti. Rien, quoi. Ça, c'est fou. Ah, c'est dommage, hein, franchement, là. Marc, il y a désolé, base, c'était Owen Hart. Sur 3, hein. C'était qui l'année dernière qui avait fait un record du moins nombre de points? Je sais plus, il y avait quelqu'un qui arrivait pas à marquer de points l'année dernière. C'était Seb? Ouais, ouais, c'est Seb. T'as pas de chance. Perds pas. Ouais. Alors, attends, je regarde les numéros pour pas me tromper. Je vais prendre le numéro 9, s'il te plaît. Numéro 9, tu tombes sur le thème de Brusty. c'est pas entre la TN et le titre européen, c'est les deux trucs. Arrêtez de me niquer mon thème, c'est pas vrai. En quelle année Al Snow est devenu champion européen? C'est au début des années 2000. Ouais, les 2000. Point, 3 points. Oh putain. Oh, c'est bien. C'est pratique ça. Facile, mais en fait, il a cantonné expérimenté. Il était pas très très. Le titre européen, c'est pas beaucoup d'années, donc il avait une chance sur quoi? Sur 5? 6? 7? Ouais, je sais pas, ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est bien. Ok, 3 points donc pour Verpa. Donc maintenant, on passe à Broustille. 27. 27, Broustille. Il tombe sur le thème de Vince. Les Royal Rumble, que ce soit Royal Rumble match ou pay-per-view. Là, c'est une question qui concerne le pay-per-view Royal Rumble. Contre qui Shawn Michaels se blesse au dos lors du Royal Rumble 98? Ouais, mais j'ai des trous, moi, quand c'est mes questions. Okay. Non. Contre qui Shawn Michaels se blesse le dos au Royal Rumble 1998? Oh, non, je passe là, Debra. Allez, on tente un nom, quand même. Bah, au hasard, mince, comment il s'appelle, lui? Diesel. Ah, non. Tu l'as, Vince? Non, je pense pas. C'était Undertaker, les gars. Oh. Maintenant, j'aurais eu faux. J'aurais pas pensé, tu vois. Ah ouais. Non, mais là, j'ai l'image en tête maintenant. Ouais. Voilà, oui, l'image, quand on dit ne faites pas ça chez vous, des fois on le voit sur les. Ouais. C'était dans un casquette match, non? Ouais. Il se brise le dos sur. C'est ce truc, c'est vrai. Donc, 3 points pour Verpa, 3 points pour Seb, 3 points pour MP, 3 points pour Vince. On repasse donc à MP. Non. J'ai oublié Vince encore, c'est ça? Oui. Putain, mais c'est pas assez marqué gros sur ma feuille. Excuse-moi, c'est dingue. Tu fais une gueule. Vas-y, hein. Vince. Ah, je fais une gueule, là. Pas grave, hein, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Ah ouais, non, mais. Non, t'inquiète. Ça m'énerve, frère. 32. Thème de Brusty. Oh putain. Ah y est, déjà 4 questions. Quoi. Dis-moi, Vince, qui a été le plus jeune champion européen de l'histoire de ce titre? Le plus jeune? J'ai posé mes questions, les gars, on est d'accord. Hein. Ouais, j'ai une idée, mais je suis pas sûr. Jeff Hardy. 3 points. J'aurais dit ça aussi. Mais juste parce qu'il est jeune. Parce qu'après, il reste savoir quand est-ce qu'il a été champion européen. 3 points pour Vince, que je vais essayer de pas oublier la prochaine fois. C'était quelle question? C'était la numéro 32. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, 32. Ouais. Ok, donc maintenant, on repasse à MP, c'est bien ça. Et oui, est-ce qu'on peut dire le score avant? Je crois que Vincent, c'est fort. Ouais, ouais. Verpa, 3 points. Seb, 3 points. MP, 3 points. Vince, 6 points. Oh, le reste, 0. Oh, bon, ben, pour aller dans la même suite d'idées, moi, je prends le numéro 3. 1, 2, 3, 4. Je vais devoir vite fait arrêter. Thème de Brousty. Et voilà. Je voulais aucune question, moi, à l'arrivée, bordel. C'est trop européen. Il y a deux catcheurs qui ont eu le plus de fois le titre européen. Exactement pareil au niveau du chiffre. Cite-moi ces deux catcheurs. Rob Van Dam et Jeff Hardy, on va dire. Mais c'est Désolé, MP, non. Est-ce que tu l'avais, Brousty? Moi, il me semble Dillo Brown et William Regal. Là, ah, c'est ça, Brousty, c'est ça. Ouais, voilà. Mais c'est pas vrai, j'ai tout le temps bon à mon thème. Alors, hors base. Alors, pour moi, ce sera le 25. J'ai hâte que ce soit Noël. Hors base, tu tombes sur ton thème. Alors, les gars, c'est la première fois que quelqu'un tombe sur son thème. C'est quoi son thème? J'ai pas regardé les Money in the Bank, je m'en souviens pas. Money in the Bank. Écoute bien. Jack Swagger a remporté un Money in the Bank à WrestleMania 26. Combien de temps il a mis à décrocher la mallette? Non, c'est pas ça, j'ai pas été jusqu'à là. Sur quel catcheur il a encaissé sa mallette? Sur Chris Jericho. Ouais. Ça, c'était hyper simple. Ouais. Voilà, les gars. Ouais, ça va. Enfin, voilà, si t'as une mémoire qui dépasse les 2 ans, ça passe. Ouais. 2 points, hein, quand c'est la... Ouais, c'est déjà ça, je serai pas Fanny. Vas-y, tiens, je mérite mon chocolat. Vas-y, 47. Alors oui, attends, excuse-moi. Tu fais une inverse de MP, en fait. Ouais, c'est ça. Tu copies les meilleurs, quoi. 47, tu tombes sur le thème de Verpa. Oh putain, c'est quoi le thème? Ça va, tu peux avoir du 2006. Ouais. En quelle année Boogeyman fait son retour sur le ring de la ECW? En quelle année le Boogeyman fait son retour sur le ring de la ECW? 2007. Ah, désolé, 2008. Ouais. Ah bah oui. Attends, ça se voit rien. Non, en quelle année quoi, le Boogeyman? Son retour sur le ring. Et il était là début. L'ECW. Hein. Il est là milieu 2007. Ouais. Son retour de blessure, hein, messieurs. Ah, son retour de blessure. Ah ouais, pas bête. Non, bien vu. Et en même temps, il était sous le ring. Merci, hors base. Avec mini Boogeyman. Ok, c'est bon pour tout le monde là? C'est un retour de blessure aussi. Parce que... Ah oui, bonne question. Donc je choisis le numéro 33. 33, le thème de Vince. Putain. Royal Rumble, pay-per-view. Là, ça concerne pas un Royal Rumble match, ça concerne vraiment le pay-per-view Royal Rumble. Qui a été le challenger de Lesnar pour le titre de la WWE lors du Rumble 2004? Rumble 2004, le challenger de Brock Lesnar pour la ceinture de champion du monde. Alors là, je vais tenter Hulk Hogan, non, je sais pas. Ah non. C'est Triple H. Hardcore Holly. Hardcore Holly, ouais. Hardcore Holly. Dans une feuille mémorable ou pas. Il faut dire que Brock Lesnar lui avait cassé la nuque réellement. Hein. Il était revenu. Mais Brock Lesnar, il a détruit un million de vistes. Et oui, au pay-per-view d'après, il y avait Eddie contre Lesnar. Prise de titre d'Eddie. Mais bon, je vais arrêter mon histoire là. Verpa. Oui, je vais donner le numéro 24. Tu tombes sur ton thème à toi. Oh, mais ça fait que 2 points. C'est pas juste. Bah écoute, qui est le premier champion de la ECW? De la nouvelle ECW? Ouais. Attention. The Big Show. RVD. Ouais. T'as hésité entre les deux. Il s'est pas fait choper pas loin par. Non, parce que Van Damme, il était champion de WWE. C'est le titre WWE. Non, messieurs, Van Damme gagne le titre de la WWE et au CW d'après, Paul Heyman lui offre le titre. C'est le premier champion de la CW. Je suis désolé. Entre les deux. Et puis, comme t'as dit, fais attention, je me suis méfié. Mais non, bien joué. La question était difficile. Fais attention, hein, ne dis surtout pas Rob Van Damme. Rob Van Damme. Aussi. La 5. Thème de Gus. La WWE et pay-per-view version 2006. Cite-moi le main event des Survivor Series 2006. Merci, Bruce. Je l'ai pas non plus. Hein. Pat Stav sur King Booker. Oh, mais King Booker, c'était une grosse arnaque. Hein. C'était une gimmick cool quand même. Ah, j'aime. Enfin. J'avais Charmel déjà, rien qu'en Queen Charmel, elle me casse les couilles. Elle disait longue vie à King Booker. Ta gueule. Et attention, messieurs. Vince. Ouais. Bravo. Ouais. Bravo. Vince. Je vais prendre le numéro 13. Mm-hmm, ça, c'est un drôle de chiffre. Ah, tu tombes sur le thème de MP. Ça. CM Punk. Alors, à combien d'Elimination Chamber CM Punk a-t-il participé? Je dirais 3. C'est 4. Ah, putain. Ah, putain, ça fait ouais. Quelle année aussi? La 2010, 2011, 2012 La 2006. 2006. 2006. Dans l'Elimination Chamber de December to Dismember. Ah, mais je l'ai pas vu encore. Le pire je suis pas encore arrivé à cette interview. C'est le pire le pay-per-view, c'est l'un des pires des 7-8 dernières années, la WWE. Le One Night Stand, il était juste magnifique. Quoi. Non, mais CW December to Dismember, c'est une catastrophe. D'un ouais. Merveilleux Great Khali contre Tommy Dreamer. Oh, bah, tu sais que le Royal Rumble 2007, on a eu. Un Batista Great Khali dans un Punjabi match. Hein, donc, Mais c'était pas Rumble ça, c'était un No Mercy. Non, ouais. Ah oui, c'était un No Mercy. Ouais. Ben, y a eu, No Mercy de reparler de ce match. Ben, y a pas de quoi. Mais bref, c'est, je crois que c'est à mon tour. Ouais, c'est à ton tour, ouais. Un petit point sur le classement. Oui, un petit point sur le classement alors. Verpa 3 points, Seb 3 points, MP 3 points, Vince 6 points, Orbaz 2 points. Et Gif 0. Gus 0, Broussi 0 et Tifo, on lui fait coucou. Et Big Bisou. Je vais prendre le chiffre de mon anniversaire, donc le 10, et je brise ma streak parce que les autres ont pris les chiffres après, donc voilà, c'est ça. Alors, attention, le 10, attention, attention. Ah, c'est le thème de Gus. Ouais, putain, je voulais le prendre. Les pay-per-view en 2006 de la WWE. Contre qui Hulk Hogan a remporté son dernier match à la WWE lors des SummerSlam 2006? Randy Orton. Point. Ouais, c'est ça. C'est très bien joué. On passe à Orbaz. Bah là, il y a un petit 8 qui s'est perdu entre les deux, donc je vais prendre le 8. Ouais, t'aurais pu prendre le 8 hein, quand même. Le 8, tu tombes sur Tifo. Ah, Laïla. Et c'est Laïla le thème. Cool. Tu préfères tomber sur Laïla ou sur Tifo? Laïla. Je comprends, ouais. Alors, en quelle année Laïla devient la manager de William Regal? 2006. Ah, désolé, mon grand, c'est 2008. Je sais pas. 2006, c'est l'arrivée. Non, mais t'as tenté, fallait tenter. Je connais absolument pas la carrière de Layla, je sais juste qu'elle a été porteuse de serviettes. Qu'elle a fait la. Que Layla en 2006, elle était danse, elle était stripteaseuse pour la WWE aussi. Ouais. Ah, ouais, ça c'était bien. C'est bon, hein. À toi. Le 23. 23 pour Gus. Le 23 pour Gus, et il tombe sur son thème. Ah, oh yes. Il tombe sur son thème, alors attention. Gus, qui est à 0 point, peut avoir 2 points d'un coup, là. Rey Mysterio perd son titre de champion du monde contre le King Booker au Great American Bash 2006. À cause de qui? À cause de quel catcheur? À cause de Chavo Guerrero. 2 points. Oui. Il a essayé un putain de coup de chaise dans la... Oh, vie. Terrible, terrible, terrible. C'est terrible image. C'était grave. C'était grave. Après, j'ai tombé les mains, c'était très grave. 2 points. 2 points for you. Et donc, Seb. Le 34. Ah, Seb, il a préparé son thème depuis un moment dans sa tête et il tombe sur le thème de Verpa, la ECW version WWE. Contre quel catcheur Vince McMahon devient champion de la ECW? Bobby Lashley. Ah, bien joué. C'est juste. Ah. Ah, c'est bien, je récupère tous mes points sur les questions du thème de Verpa. Tu l'avais, Verpa? Oui, oui. Mais il faudrait qu'après, tu me redonnes les points. Les points que je te donne, tu me les redonnes. Il faudrait qu'on s'arrange. Parce que tout à l'heure, j'ai quand même réussi à rater sur une question de notre spécialité. Verpa, c'est à toi, donc. Bon, alors, les numéros... 44. Un bon département. Numéro 44, c'est Tifo. Pas le titre européen. Non, si c'est Layla, ça. Les titres européens, on l'a épuisé de toute façon. Donc. Ah, bon, ça y est. Ah, je pense. Hein. Je crois qu'il a 5 questions, peut-être. Ah, non, peut-être. Une ou deux. Ah, d'accord. Bah, okay. J'ai eu bon aux 5 questions, alors il doit en rester une. Ouais. D'accord, d'accord. À No Mercy 2007, Layla vient danser sur le ring pour l'anniversaire de quel catcheur? Layla à No Mercy 2007? Pay-per-view de No Mercy 2007. Un catcheur fête son anniversaire sur le ring. Layla vient danser pour lui. C'est quel catcheur? En 2007, elle était avec le Miz. Ouais, c'est le Miz, ouais. Ah, je savais pas l'anniversaire, mais je savais qui elle était, donc ça aidait. Ah, c'est bien, des bons points là. Le Miz, il s'est tapé Maryse, Layla. Quel bâtard, c'est. Mario. Non. Oh non. Gus, franchement, t'as pu. Broussier. 37. Le thème de Seb, la TNA en 2012. Durant quel mois de l'année 2012, Hogan devient le général manager d'Impact? J'hésite. On va dire juillet. Ah, c'est mars. Ah oui, complètement. Alors, je vais dire... Tu l'avais, Seb? Non, non, je suis content que Bruce Lee l'avait parce que je l'aurais pas eu. Vince, ça y est, c'est terminé. Vince, je l'oublie plus, là, c'est sûr. C'est cool. Bah, je vais prendre le 15. Et tu tombes sur un thème de... Hors base, les Money in the Bank. Juste retourner, je pense. Cocu. Alors, quel est le plus vieux catcheur à avoir gagné un Money in the Bank? Putain, pour... aujourd'hui, c'est une question âge hein, pour moi. C'est facile, ça, putain. Bien fait. Le plus vieux, Barry Flair. Oh non, t'es fou. Ah non, il a pas gagné Money in the Bank. Ah, Kane, a gagné, c'est... merde. Non, bah, bon, j'ai précisé, on est bien d'accord, les gars, dans la question. C'est hein. Kane. Ouais, oui, non, c'est moi, j'ai pas fait gaffe, tant pis. Ok. De toute façon, c'est une réponse. Aïe. Donc, dommage. Ouais. C'était Kane. Ouais. Au passage, moi, si tu peux me sauter au prochain tour, je suis pas contre. Un petit rappel des points avant qu'on repasse à MP. Verpa, 6 points. Gus, 2 points. Oh, Seb, 6 points. MP, 3 points. Tifo, salut. Et je suis à 6, je crois. MP, je crois 6 que... MP, 6 points. Donc on oui. est 3 à être en tête. On passe 2 points. Brousti, 0. Oh, Brousti. Qu'est pas ça. Et Vince. C'est une dédicace à Tifo, c'est tout. Vince aussi à Tifo. On commence avec CAMP. Juste à 2 points. Tu sais quoi, je vous rappelle les numéros, c'est plus facile parce que sinon on ne va plus s'en sortir. Il reste le 19, le 20, le 21. 19 oh, ah ouais. Ah non, excuse-moi. Le 19, on l'a déjà fait. Oh là là. Le 19, on l'a déjà fait. Il reste quand le 20. On vous disait que l'organisation était de top. Je vais y aller pour le 20 parce que c'est 2 fois 10. Donc 20, c'est bon. C'est le thème de Seb. La TNA en 2012. Ok. C'était quoi le second tag team match du pay-per-view Victory Road 2012? Il y a eu deux tag team matchs dans la soirée, cite-moi le second. Oh putain. J'en ai carrément aucune idée. Hein. Sérieusement. Ah ouais, ouais. Seb, tu l'as? Alors là, c'était très pointu, je ne l'avais pas du tout non plus. C'était Styles et Anderson contre Daniels et Kazarian. D'accord. C'est pas... Merci Seb pour ton fait. Je t'en prie. En base. Je vais prendre la 12 parce que je vais sortir. Oh putain. Thème de Tifo. Le 12, tu sors. Ouais. Ah non, pas encore Tifo, vas-y, wesh. Ouais. Ils sont bien ces questions-là. La soirée, Layla. Ouais. Layla, wesh. Quelle édition du Divasseur Layla a-t-elle remporté hein, oh, 2007. Là, c'est 2006. Non. 2006. Attends, tu te fous de ma gueule, je dis 2006 tout à l'heure, on me dit 2008, là je dis 2007, on me dit 2006, je vais dire 2007, après on va me dire 2008, wesh. Non. Faux pétage de câble, vous inquiétez pas, ça va. Gus. C'est bon, je vais prendre le numéro 40. Le numéro 40 pour Gus, et tombe sur le thème de hors base, le Money in the Bank. qui est le plus vieux participant de l'histoire des Money in the Bank? C'est Ric Flair. Ah ouais? Oh putain! Alors, oh non! Là, ça fait con quand même, là c'est moi! Merci en bas! Ouais, de rien, de rien! Aïe! Ça va, il y a Bruce Lee qui est là pour m'épauler! C'était vraiment très difficile cette question! Pour t'épauler de loin alors, hein, t'as fou que j'ai bras long! Ah, quoique, ça aurait pu être Finley aussi, parce que Finley il est pas mal vieux aussi! Et ouais, puis bon, si on s'en souvient pas que Flair en a fait qu'un en plus, hein, c'est pas comme s'il les avait squattés à chaque fois, j'aurais ouais, pas fait que... un dans tous, pratiquement, j'aurais rien dit. Mais là, il a fait que celui de WrestleMania 22. Donc, ouais, 3 points, on passe à Seb. Je vais prendre le 43. Et il tombe sur un thème de MP, CM Punk. Alors, CM Punk est devenu champion par équipe avec Kofi en 2008, mais en battant quelle équipe? Champion par équipe avec Kofi en 2008, ils battent quelle équipe pour devenir champion? Je crois que c'était lors d'un Raw. C'était lors d'un... Oh là là, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Je vais tenter un truc au hasard. Non, je sais même pas quoi dire. Donc, non, moi, je c'était... Je crois savoir. C'était moi, j'aurais dit... Vas-y, MP, parce que c'est ton thème. Moi, j'aurais dit la Legacy. Oui, c'est ça. Ouais. Déjà la Legacy à l'époque. Bien sûr. Oui, je l'aurais pas eu. Pas de regret. Mais après, c'est plutôt. Thème serait gamelé, je croyais avoir bon. Tu aurais dit qui, Broussier? Carlito et Primo, mais je confonds avec une autre paire de titres. D'accord. Okay. Non, mais ça, c'était en 2009. Hein. Carlito, Primo. Vers quoi, ça, toi? Non, je vais pas prendre 35 parce que c'est le numéro de Rennes, ça a porté malheur. 36. Mmh. Le thème de MP, CM Punk. Oh, mais je l'aime pas celui-là. Non, c'est vrai, je le déteste. Que CM ce Punk, soit tu... excuse-moi. T'as des mauvais goûts, hein. Et pourquoi t'aimes pas CM Punk, Verpa? Il a rien pour me plaire. Je sais pas, non, je. Ouais, parce que Verpa, il boit. Il est talentueux. Non, mais moi je sais. Il est talentueux, mais je sais. Non, mais moi je sais, c'est parce que c'est pas une diva, et voilà. Non, non, ça, je m'en fous, mais non, j'aime pas CM Punk. Mais depuis le début, je sais pas. Ça va pas. Allez, cite-moi combien de fois il a été champion du monde, poids lourd, hein, je précise. Ouais, poids lourd champion. Mais comment tu veux que je trouve ça, moi? C'est facile. Et moi aussi, je sais. Alors, on va attendre sa réponse, et puis si jamais... 1, 2, 3, 4, 5, alors... allez, 1, 2, 3, 4, 5, et 3. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça. C'était bien. Alors, avoue-le, tu l'aimes, CM Punk? Non, j'aime pas. Toujours. Même s'il me fait gagner... Ça peut se négocier. Ça peut se négocier. Ouais. Deux fois grâce au Money in the Bank et une fois en récupérant des mains de Jeff Hardy. Ouais. Ah, ce fameux TLC de SummerSlam. 2009. Franchement, il est énorme ce match. Ouais, mais il y a Jeff Hardy dedans. Non, ouais, mais on s'en fout là. Ah, franchement, ton racisme là entre racisme. Contre les, ton racisme contre les mecs qui mettent des peintures sur leur visage, c'est bon. Hein. C'est pas parce que t'aimes pas les clowns que hein. Hein, les traumatismes comme ça. Oh là là là là là là. Oh là là là là, j'ai un gros nez rouge. Hein. Oh, j'ai un gros nez rouge. Oh là là là là là là là, on continue. Eh ben c'est abruti. Oh oui, va-t-il marquer ses points? Oh là là, abruti, va-t-il marquer un point? Non, bah, 35, il faut bien que je suive la streak de DiBiase, quoi. Hein. 35, moi aussi, il tombe sur le thème de Laïla, qu'il faut. Il nous aura bien fait chier, lui. À quel pay-per-view Laïla devient championne des divas? Oh non, putain. À quel pay-per-view Laïla devient la championne des divas? Allez, bon. C'est chier. Allez, pour toi, celle-là. Dédicace à Tifo. On compatit. Allez, c'est parti. Il va me dire un nom. Moi, je. Night Top Champions. Ah, je suis désolé, moi. Moi, je savais en plus. Attends, c'est quelle année tu parles aussi? Je parle de Tifo. Elle a été précisée parce que bon. Elle a été championne qu'une fois. Voilà, elle a été championne. Non, elle était co-championne, hein, mec. Ouais, mais ça, ouais, ça mais c'est SmackDown. Non, mais... c'est... Gagné, oui. Ah c'est... oui, je me fais piéger titre... alors. Non, non, attendez, attendez. En plus, et titre, en plus, c'est le titre Woman. Et le titre Woman est découpé en deux. C'est Woman, ça. C'était Woman découpé en deux. Moi, je parle du titre des divas, le titre papillon. Après, elles sont devenues divas. Non, mais c'est complètement. Non, non, c'est Michel qui avait le titre. Ouais, c'est merci. Non, non, il n'y a aucun contre-truc. Non, non, franchement, hein. Pas de Screw Job cette année. C'était Extreme Rules, hein, au fait. Ouais, ouais. Contre Brie Bella, je crois. Ouais. C'est ça. On pensait donc, que moi, je vais prendre... Vince. Le 29. Le thème de MP, CM Punk. Lors de quel pay-per-view CM Punk défend son titre de l'AECW pour la première fois? Au show, je dirais One Night Stand, mais j'en ai aucune idée. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu l'as, MP? Moi, j'aurais peut-être dit Unforgiven, mais je suis pas sûr parce qu'il a gagné plus. Ouais, bah ouais. Ah, voilà. C'est ça. C'était des bons pay-per-view, les Unforgiven. Hein. Ça serait cool quand même d'avoir son thème pour répondre à ces questions, mais bon. C'est le but du jeu, ça a l'air. Y'a qui a eu son thème depuis le début, là? Moi. Moi, j'ai raté. Alors, niveau des points, Verpa, 9 points. Ouais. Hors base, 2 points. Gus, 5 points. Seb, 6 points. Verpa, t'as 9 points? Ouais. J'ai commencé avec 0 et après j'ai marqué 3 fois. Parce que j'ai une question sur Leïla, une sur Bank et l'autre je sais plus quoi. Putain, le mec il est déjà devant. Titre européen là, Al Snow là. Brousty, 0 points. Ouvrons le bruit. Non, pas trop. Il faut big bisous. Alors après, on recommence donc MP. Bon bah là, le lendemain de ma fête, ça sera le 11, donc 11. Un thème de Verpa. Ah putain. La nouvelle aussi. Ah merde. merde. Alors, cite-moi le dernier main event de la nouvelle CW. C'était Christian contre Ezekiel Jackson. Pour le titre de CW en Extreme Rules. C'était un scandale. C'était un scandale. Bah, le match n'était pas mauvais, mais le vainqueur, voilà. Voilà, c'est ça le truc. Bon, bah, ça fait 9 points, c'est ça. Ça fait 9 points. Cool. En base. Le 16. Numéro 16, le thème de Vince. Les Royal Rumble. Il me colle à la peau, c'est Leila, thème de Vince, voilà. Putain, ce Nordisco. Vas-y. Alors, combien il y avait de participants lors du premier Royal Rumble de l'histoire? Oh putain. 20. 10. 3 points. C'était pas 10? Mais non, jamais. C'est dans lequel il y a eu 10? Il y a eu un Rumble ou il y en a eu aucun? Dans ton rêve, il y en a aucun. Ça, c'est les, ça, c'est les trucs de Raw, tu vois, c'est Battle Royale à la con. Ah oui, c'est c'était le Hero Rumble, ouais. À pas confondre Battle Royale et Royal Rumble, messieurs. Hein. Ouais. Ben, Gus, ça fait 5. C'est moi. Ça fait. Non, oui, oui, excuse-moi, ça fait 5. C'est Gus, moi. À toi. C'est moi, c'est moi. Number 30. Et tu tombes sur le thème de hors base, les Money in the Bank. Encore? Vas-y, wesh. Qui a remporté le Money in the Bank de Raw en 2010? The Miz. 3 points. Ça va, c'est pas trop dur. Ouais. C'est vrai qu'il y a plus dur, j'avoue. Mais, non, mais ça, c'est de ma faute. J'aurais dû prendre Triple H comme thème. J'hésitais, mais je voulais prendre Triple H aussi. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est enfin, au moins, vous en bénéficiez, au moins. Je vais prendre le 39. Seb, le 39, tu tombes sur le thème de Verpa. Encore? Encore, ouais, la nouvelle OCW. Ah bah, alors, pour battre Verpa, faudra aller sur son terrain. Hein. Ouais, mais c'est la dernière de Verpa, donc tu pourras plus aller sur le terrain de Verpa. La nouvelle OCW est arrivée en 2006, mais de quel mois? Oh, sale. Ça, c'est ça. 2006, de quel en 2006, mois? Donc l'année, tu l'as fait, c'est 2006. Cite-moi juste le mois. Et si tu tombes pile, c'est 3 points pour toi. Je crois que je vais dire septembre ou octobre, je vais partir sur septembre. Faux. Juin. Juillet. Faux. Juin. Ah. Parce que One Night Stand, c'est à peu près au 15 juin. Ah oui, à peu près. Non, c'est oui, oui. C'est comme ça, sinon je ne savais plus la date. Mais... C'était le 20. Ouais, oui. Oui, maintenant que tu me le dis, ouais, non, je pensais que c'était au mois de juillet, en fait, One Night Stand. Petite erreur. Verpa. Oula, j'ai l'occasion de partir. Alors Verpa qui a 9 points, hein, qui a été rejoint alors... par... Ouais, non, mais bon, faut que je le lâche, ce Canadien, là, parce que je sens qu'il va me passer devant. Numéro 41. 41, le thème de Gus. Le pay-per-view de la WWE en 2006. Quel titre de champion du monde a été remis en jeu lors du main event de Cyber Sunday 2006? Les gens pouvaient choisir par leur vote. C'était le but du pay-per-view, c'est le thème. Le choix des gens. Et quel titre de champion du monde a été remis en jeu lors de ce main event-là? Mais en fait, c'est... Sachant qu'en Bill ou face, quoi. Sachant qu'en... Ah d'accord, il y avait un choix entre plusieurs titres à choisir. Oui. Voilà, ah, des fois, il y a des choix, on choisit les 4 heures. Là, on choisissait le titre de champion du monde. Entre 3 champions différents. Alors, il faut que tu me dises le titre. Ah bah, Booker était à SmackDown, donc poids lourd. Titre de champion du monde poids lourd? Oui. 3 points. Oui, non, parce que c'est Booker. Ah. Bah, ça, je savais. C'est pas vrai pile ou face, parce que je crois qu'il y avait le titre aussi de l'ECW qui était mis en jeu à côté. Et le titre de l'ECW, c'était Big Show, mais après le WWE. Ouais, voilà, il y avait les trois. C'était Big Show contre Senna contre King Booker. Chacun avait sa ceinture. Ah, je sais pas qui c'était. Une chance sur toi. Voilà, c'est pas tout à fait pile ou face, mais c'est pas long. Je sais que Papy, là, il est limite au bord de l'agonie, mais il vient de sortir 3 points. Il m'a dit 20. 21, il a dit. Excuse-moi. Le thème de MP, CM Punk. Contre qui CM Punk a gagné son seul titre de champion intercontinental? Contre quel catcheur CM Punk gagne son seul titre intercontinental? Moi, je le vois trop avec la ceinture. Bah, c'est un truc plus cher en plus. Mais là, je sais pas, quoi, par hasard. Donc, bon, mais qu'est-ce qu'on va moi, dire? Moi, je peux te dire que je le sais, en tout cas. Moi aussi. Les mecs, j'ai l'impression. Si tu veux savoir, moi je le sais pas, alors ça va. Ah, moi voilà. J'ai dit Régal, donc bon. 3 points. Ah, oh, je pensais que c'était Kingston. T'as dit qui sinon voilà. J'ai entendu. Yam Régal. Régal, il a dit. Ah ouais, ok. Eh ben ça y est, Bruce Lee n'est plus à 0, c'est fini. Prends 3 points. Plus personne n'est à 0. Bruce Lee. Donc, Vince. Il reste quoi comme numéro, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a comme numéro? On a le 42, on a le 38, on a le 31, le 46, je dis pas de bêtises, on a le 27, on a le 28. Je vais prendre le 27, s'il te plaît. Prends le 27 et il tombe sur le thème de Gus. Ouais, il dit s'il te plaît tout. Oh, c'est sympa, je vous remercie. Ouais. Oui. Après, c'est le dernier tour, je crois. Hein. Le thème de Gus, les pay-per-view de la WWE en 2006. C'est la dernière question. Et après, il y aura le dernier tour. Hein. Dans quelle ville a eu lieu WrestleMania 22? Dans quelle ville a eu lieu le WrestleMania 22? Ça va, c'est hyper simple, putain. Ouais. Attendez, est-ce qu'il a déjà? Eh ben, je l'ai pas, donc... Alors voilà, vous voyez les gars. Quand c'est moi, je le sais aussi. Mais moi, je le sais, moi. New York. Mais attendez, c'est pas son thème. On va voir ce qu'il dit. C'était Chicago, mec. Oui, ben, je savais pas. Mais... Non, il a dit New York. Oui, il avait dit New d'accord. York. Ah, pardon, ouais. Je croyais qu'il avait pas. Non, il a pas dit, ouais, voilà. Non, il aurait tout tué, là. T'inquiète pas, c'est bon. On le surveille, Gus. Non, il a dit. Non, c'était Chicago. D'ailleurs, il y avait CM Punk qui a fait une apparition en tant que gangsta. Oui, ça, je m'en souvenais, mais je me souvenais plus de la ville. Cette question sur CM Punk, Gus. C'est pas ça le grand moment. Le grand moment, c'est Mickey James contre Trish Stratus. Dernier match de Diva et Salmonia. À peu près potable. Je vais donner les points avant le dernier tour. Ouais, alors, dernier. MP, 6 points. 9 points. 9 points pour MP. Hors base, 5 points. Déjà éliminé. Gus, 8 points. Bah ouais, il y a eu deux questions à la con sur Money in the Bank. Il lui a donné les points là, franchement. Seb, 6 points. Verpa. Oula, alors Verpa il cartonne, je crois. Ouais, il a 12 points. Faut que je marque un point en fait. Parce que sinon, après, c'est MP qui m'égalise. Et s'il y a égalité avec MP, comment on fait? Il n'y a pas de question subsidiaire, je crois. Une question subsidiaire. Pour aussi, 3 points. Yes! Yes! Il faut. Frire de bois. Il est en train de faire son match d'ordre. Alors, on repart donc avec MP. Vincent, combien de points? 6. J'ai oublié Vincent encore, c'est ça? Vous êtes sérieux? Oui. C'est pas possible. 6 points hein, pour Vincent. Non, ben, ça veut dire que je suis le seul à pouvoir rejoindre Verpa. Ah. Si tu veux, je t'attends et on se fait une finale en barrage. Attends, on sera direct, c'est fini. Question. Je vais attendre. J'ai le choix de la question en plus. Je vois le 31 depuis tout à l'heure, mais j'espère que c'est mon thème, mais je suis pas sûr. Donc, 31. 31. Tu tombes sur le thème de Seb et les pay-per-views de la TNA. Enfin, la TNA en 2012. Ah merde, c'est pas le bon thème pour égaliser ça, mais bon. Lors de quel pay-per-view Abyss fait son retour? Je crois que c'était lors du pay-per-view de juillet. C'était quoi, putain? Ah, ce serait pas... Ah putain, j'ai oublié le nom du pay-per-view, ça c'est super. C'est après cet anniversary, mais... Bon, ben je vais dire No Surrender, mais je suis sûr que c'est pas ça. Non, c'est pas ça, Seb, est-ce que tu l'as? C'est Genesis, non? C'est Sam Anniversary. Ah, putain. Ah oui, c'était l'heure du parc Bully Ray, je crois. C'est ça? Ah, oui, exact. Ah, oh, c'était en juin. Désolé. J'aurais pu dire ça. Everpa champion, putain. Je suis passé quand même. Je pars deuxième cette année, merde. Ouais, pour l'honneur. Pour l'honneur, ouais, parce que j'ai pas bossé pour rien jusqu'au bout. Oh, si. Attends, il y a quoi qui est pas passé? Tu me donnes quoi? Bah, tu me donnes un thème sur CM Punk, s'il te plaît, et voilà. Non? On peut pas choisir. Bon, 21. On l'a fait. Non, ça je l'avais pris. Il doit rester 46, 42, non? Déjà. Il reste 45, 46, 42. Il reste 28. Vas-y, 28. 38. 28. Tifo. Oh putain, non! Et attends, je vais faire 3 questions de Tifo, 3 questions de Vincent. Attends, là, franchement, Screwjob, c'est pour ma gueule. Hein. Enfin, quoique, Royal Rumble, c'est accessible. Je dis pas. Voilà, je vais pas. Alors, Tifo, c'est Laila. Comment s'appelle le trio composé de Laila, Kelly Kelly et Brooke à la ECW? Oh putain, oh non, non. Mais c'est facile quoi, putain. Oh non, putain, je l'ai pu. Si tu mets la pression à chaque question des autres. Non, merde. et pourtant tu les matais tous. Si, les bonasses qui montent leurs poubs. 3 points, merci. Oh, merci, vas-y, 3 points. Et je vais pas finir dernier, moi. Non, c'est pas trop. Extreme Exposé. Je savais plus du tout. Je me souviens juste d'un Street Poker, moi. Si tu te souvenais du Kelly Exposé, là, t'avais la base déjà. Mais non, je me souviens plus. Gus. La 46. Thème de Vince. Lors de quel Royal Rumble le titre ECW a été défendu pour la première fois? Royal Rumble 2007. 3 points. Le CW, c'est en 2006, donc ça pouvait être que Royal Rumble 2007. Ouais. Ou un New Year's Revolution 2007. Non, mais attendez, après il y a eu le Royal Rumble 2008, il pouvait y avoir le Royal Rumble 2009 aussi. Ouais. C'était dans la pour loi. La ECW. Bon, 3 points en tout cas. Seb. Moi je vais choisir pour le dernier le 45. Et tu tombes sur ton thème. Ah. Ah ben voilà. Alors, contre quel team AJ Styles et Kurt Angle ont perdu leur ceinture tag team? Oh. On est sur la TNA en 2012, hein, je rappelle. Je précise l'année, 2012. C'est Kaz et Daniels. Oui. 2 points. Le 42, c'est libre ou pas? Ouais, c'est libre. C'est libre. C'est un thème de hors base. C'est Money in the Bank. Ça s'appelle cadeau. Pourquoi pas? Quel catcheur fait son retour pour attaquer MVP lors du Money in the Bank de WrestleMania 24? Quel catcheur fait son retour et attaque MVP lors du Money in the Bank de WrestleMania 24? Ah, je l'ai. Elle est travaillée, celle-là. Finlay, non? Ah, désolé. Non. Ouais, je l'ai. Vas-y. C'est Matt Hardy. Ah, c'est juste. Ah, je l'aurais pas eu. En base, tu l'avais ou quoi? Absolument pas. Je vous l'ai dit, je les ai pas regardés. C'est qui, tu m'as dit? Matt Hardy. Matt Hardy, ouais, la grande rivalité Matt Hardy MVP. Reste quoi? Parce qu'il doit rester des questions. Là, non? Alors, il reste... C'était 45, non? Non, il reste la 38. Oui, la 45. Non, la 45, c'est Sabi l'a fait. Là. Est-ce que la 38? Parce qu'il y a 25 en plus. Il n'y a pas cette question. Non. Il reste la... Alors, attendez. Oui, il reste la 38. 31 a été faite. Juste les mecs, 48 divisé par 7, ça fait pas un contron. Ben non, c'est ça le truc. Ouais. Voilà. C'est la dernière qui reste, hein. Ah. Et Vincent va encore en faire les frais ou quoi? Moi j'ai gueulé ce job. Vincent, là, pour le suspense, lui il est mieux classé. Donc oui, c'est la dernière puisqu'on les a... Je lui laisse. Ouais. Non, je lui laisse, il est mieux classé. Attends, je vais vérifier un dernier truc, vite fait. Je tiens à rester dernier. Merci, merci Broussi. Ouais, bah ouais, comme si Broussi me laisse la question. C'est le thème de Broussi. Oh putain, il fait chier. En plus, oh non, je me fais niquer. Bon, c'est pas grave. Moi, je propose, c'est les deux qui répondent, c'est le premier qui répond qui a des points. Ouais. Bien. Ouais, c'est ça me dérange pas, ouais. Question de rapidité. Jericho gagne le titre européen à WrestleMania 16, mais il le perd dès le lendemain à Raw. Contre qui? Christian. Comment il s'appelle lui? Ah putain, je l'ai sur le bout de la langue. C'était ça. Bah vas-y. Eddie Guerrero. 2 points. Bah quand même. Corbas. Yes. Non. Non. Putain. Vas-y. Non mais c'est normal. On est dernier, mais c'est parce qu'on laisse l'honneur aux autres. Voilà, on n'a pas voulu trop vous écraser. C'est bon les excuses en base, c'est bon. Moi j'ai rien, mais il y a encore eu ce coup de job. Non mais Gus a pas encore changé la formule, hein. Je sais pas, mais. Pour changer la formule, on tombe trop sur les thèmes qu'on n'a pas choisi. Ben oui, moi attends, j'ai dû attendre la dernière question. Bah, c'est ça, j'ai pas eu une question sur mon alors, thème quoi. Je vous proposerai un truc pour l'année prochaine, c'est de vous inspirer un petit peu des CDC. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un truc, je vous le passerai en antenne, hein, c'est le CDC Quiz, qui est vraiment très très bien fait à ce niveau-là, au niveau du jeu et tout ça, j'aurais dû peut-être vous en parler avant. Mais franchement, si vous voulez, voilà, il y a plusieurs thèmes et vous choisissez, enfin des thèmes qu'on ne connaît pas à l'avance, et là c'est ceux qui écrivent les questions qui choisissent les thèmes. Et là, vous choisissez selon le degré de difficulté de 1 à 5, et selon le thème. Donc ça fait par exemple la NXT en 2010 pour 3 points, c'est une question moyenne et tout ça. Enfin bref, ça donne un peu plus de... Et puis c'est assez dense pour le faire en une seule fois, vous voyez. Pour faire en une seule fois, en fait, ils ont plusieurs sujets et tout. Et en fait, c'est bien, quoi. C'est bien, voilà. Si vous voulez, je remets mon titre à WrestleMania. Ouais. Pourquoi pas en faire un au milieu de l'année, tu vois, faire des défenses de titres plus régulières. Ouais, mais je vois pas si à quoi. Et dévoilons le classement tout d'abord. Oui, le classement. Alors oui, le classement. Wow, mais on sait pas que c'est qui a gagné. Je pense pas que c'est pas la peine. Ouais, faites du bas vers le haut. On commence par le dernier. Oh, le dernier, c'est qui a gagné. C'est qui a gagné. Qui c'est qui est relégué en D2? Si, en base. Mais en même temps, moi j'y suis déjà en D2. En base, il a 5 points. Ouais. J'ai pas fini. Rusty, il a 5 points. Ouais, copain. Vince, il a 6 points. De peu, hein. Qu'est-ce qu'on a après? C'est Gus, non? MP, il a 9 points. Ah. J'ai oublié Sébastien, non? Vincent? Sébastien, il est pas... Seb, il a 8 points. Seb, il a 8 points, ouais. Ah, mais je croyais qu'il était devant, lui. Seb, il a 8 points. MP, il a 9 points. Gus, il a de la chance. Gus, il a 11 points. Et Gus, c'est l'upset de la journée, quoi. De quoi? C'est l'upset de la journée, quoi. T'as commencé à 0, et puis... Ah oui. Deuxième, quoi. Verpa, il a 12 points. Sur les talents de Verpa. Putain, un point, quoi. Putain. Pourtant, à la fin, tu revenais fort. Hein. En fait, c'est quand t'as répondu à ta question de ta spécialité, c'est là où ça t'a fait perdre quelque chose. Ouais. T'étais content de répondre à une de tes questions, sauf qu'en fait, ça te donnait un point de moins. Renaud, est-ce que tu peux nous officialiser le vainqueur à la Robert Finkel ou un truc du genre? Ladies and gentlemen, the winner of this contest, and still world champion, Vaporo! Bravo! Boum! Gus, y a une prime ou pas? Non, il y a plus dalle. Je crois que t'as un numéro de... Enfin, un appel de Vince, là-haut. Ah, bah je vais peut-être y aller, alors. Je vais peut-être vous laisser, alors. Je vais faire comme Kevin, je vais passer au niveau dessus. Alors, est-ce que le quiz était plus difficile que l'année dernière, ou il était kiff-kiff, il était comment? Il était plus facile pour moi. Plus facile. Organisé. Je te remercie. Il y avait quand même quelques questions bien travaillées, hein, franchement. Bon, après, c'est accessible, quoi, c'est bien. Non, moi, j'ai trouvé sympa. Après, c'est plus, c'est plutôt le système qui a critiqué, voilà. Hein, Gus? Pas de gueule. Les questions étaient bonnes. Surtout parce que je conserve mon titre. Ouais. C'est un scandale, ça. Le type, il a failli pas venir et il gagne au final. Mordait la cul. Non, j'avais réservé ma Wrestle Radio Soirée, donc c'est bon. Tu conserves ton titre pour un an, tu vas battre CM Punk? Ouais, mais je vais le remettre en titre juste avant WrestleMania lors d'une émission géniale qui va durer 3 heures au moins. Parce que si Ted DiBiase ou Sin Cara sont à WrestleMania, on va faire au moins 15 débats. Donc, il faudra préparer l'émission de l'après-midi. Non, mais oublie ça pour Ted, hein, il ne sera jamais de WrestleMania, quoi. Ta gueule. Est-ce qu'il aura eu le temps d'être viré avant? Non. Parce que là, vraiment, en ce moment, il est où là? Il fait du surf, non? Il se repose? 7 heures des morning slam. Parce que je me posais la question. Mason Ryan, il est où? Il est à Hawaï en vacances, non? Il est en salle de musique. Ezekiel Jackson. Ils sont tous sympas. Mais Ezekiel Jackson, il était blessé. Et Jack Swagger. Ah oui, Jack Swagger. Chez le coiffeur. Oui, c'est vrai. Mais il y a Layla qui est passée chez le coiffeur. Elle est blonde. Ouais, elle est devenue blonde. Bon, Il y a des breaking news là. Hein. Les gars, aujourd'hui, on a beaucoup parlé, décidément. On parle le plus quand Tifo est pas là. Est-ce qu'on pourrait avoir un extrait du Gazooman? Alors, il y a le choix entre Dolph Ziggler, Drew McIntyre, générique de SmackDown, Hulk Hogan, JBL, John Cena, John Morrison, Kurt Angle. Drew McIntyre. Chanson mystère. Mr. McMahon, Natalia, Nexus, Randy Orton, Randy Savage, Sheamus, Ted DiBiase. Deuxième chanson mystère, Tiffany, Wade Barrett, Yoshitatsu, Zack Ryder. Mais il y en a aussi un d'autres. Alberto Del Rio, Bella Twins, Christian et Cody Rhodes. Comment il s'est éclaté le type? Je serais venu sur Miami's France. Ben qui me dit ça. Faut pas déconner non plus. Faut ça, savoir ses priorités dans la vie. Hein. On remercie Vox Catch, Instant Catch, Cahier du Catch également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Wrestling Evolution League. Il y a Instant Catch. Instant Catch, j'ai déjà dit. Vox Catch. J'ai déjà dit aussi. Ouais, mais c'est pour avoir deux fois aussi. Ah. iTunes. iTunes, Facebook, Twitter, le Tumblr, l'adresse mail brassasradio@gmail.com. Et voilà. FN Lutte, est-ce que tu l'as dit? FN Lutte, oui. Ah, c'est bon. Les Tuteurs. Je vais m'en assurer. Et les Tuteurs maintenant, ouais, c'est ça. Vincent C. What you Vincent? Verpa C. Verpa Doro. Merci ouais. Pour. Merci à vous. Verpa Idor. Mousti C. Philly Land. Renaud C. Malenko 06. MPC. WR Maxime Poulain, là je tweet plus beaucoup en ce temps-ci. Ah bah oui, la saison de hockey, merde. Oui, faire aussi le manque de saison de hockey, mais ouais, je devrais tweeter plus pendant les Raw et les shows de catch, pendant la pause de Noël et mes vacances, heureusement, qui s'en viennent bientôt. Donc voilà. Sébastien. Bah, Tifo, non? Ah oui. Tricale 867. Eh bien, bien sûr. Eh oui. Tifo, c'est El Tifo. Alors, ça va tweeter, à mon avis, là, Sébastien, ce week-end. Ah ouais, non. Peut-être. Et moi, c'est Spartagus. J'ai peut-être oublié quelqu'un. Orbaz, oui. Je crois. Orbaz. Real Orbaz. Il faut aussi donner le Twitter de la Well, si jamais. At Wrestling Evo. Et Instant Catch, c'est arrobas Instant Catch. Tout collé. Voilà. Evox Catch, arrobas de Wessos Radio et Teddy. Hein? Le Twitter de Wessos Radio. Oui. Et c'est le dernier numéro de l'année ou pas? Non. Ah non, il y en a encore deux. Il y en a encore deux. Ah ouais, mais moi je ne pense pas être là, donc j'ai envie de souhaiter... Au premier, c'est sûr que non, parce que ce sera Impact. TLC, ce sera autour du 20 décembre, je crois. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, moi j'ai envie de souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année aux auditeurs, qui ont bien eu du courage d'arriver jusqu'au bout de ce podcast, je pense. Oui. D'ailleurs, s'ils ont atteint le bout du podcast, faudrait qu'ils signalent sur Facebook. Ouais, franchement, signalez-vous parce qu'on va vous donner des aides. On va vous donner les papiers, tous les traitements. Arrête, dis pas ça, ils vont croire que c'est vrai. Donc voilà. Gus vous invite à une super partie dans sa voiture. Voilà. On s'excuse. Je suis à la recherche d'un carrossier qui peut me repeindre gratuitement. Bien évidemment, ma voiture. Il l'a déjà griffé. Non, elle est venue combien de jours? Non, mais elle s'écaille. C'est la peinture qui s'écaille à cause du soleil. Ok. À cause du soleil. En plein mois de décembre. Tu avais dit que c'était la voiture de Ricardo. Un mec qui habite dans l'Hérault, c'est. Enfin, non, pas dans l'Hérault, j'ai une connerie. Dans le Gard. Supplice. Le Gard. Je dis encore une fois que j'habite dans l'Hérault, mec. Ça va, j'ai ripé. Il faudrait peut-être que tu déménages à Boulogne-sur-Mer, t'aurais moins de problèmes de soleil. Bon alors, là, le DiBiase... N'oubliez pas que Renaud peut vous faire vos annonces si vous voulez rentrer en classe de manière assez classe. Et il peut arriver en Howard Finkel et puis vous faire une petite intro. Écoute, et si vous avez besoin d'un justificatif de retard, vous dites « Je participe ». Super Wessels Radio. Attendez. Là, tout c'est un justificatif c'est toi, de retard. Tout à fait potable. C'était génial. L'album sera disponible sur www.com, bien sûr. Et sur toutes les plateformes légales et illégales de téléchargement. Ouais. Mais surtout illégales. Ouais. Donc c'est du kazoo, c'est en honneur un petit peu à Christian et Edge, qui faisait un peu de kazoo, il me semble, à une époque, non? Exactement, ouais. Ouais, c'était pas mal ça aussi, petit kazoo comme ça. Et là, c'est quand même un joueur de kazoo professionnel. Hein. Ouais, c'est un kazoo, c'est un kazooieur, c'est un grand kazoo. Ah oui, là on ne déconne pas, là, c'est un kazoo de compétition. Attention. Exactement, c'est kazoo. Ouais. C'est t'as le kazoo et enfin t'as le bon kazoo et t'as le mauvais kazoo. Et le bon kazoo il sait jouer du kazoo. Par contre le mauvais kazoo bah, il joue du kazoo mais c'est un mauvais kazoo. D'accord Orbaz. Pour ceux qui voient la référence. Hein. Et n'oubliez pas ce podcast est remboursé par la sécurité sociale. Ça c'est pas vrai. Après, vous dire que c'est de la publicité en ce moment c'est le Téléthon justement on en a profité on va faire un appel au don pour soigner tous les gens qui ont écouté ce podcast. Alors, sans déconner, il faut appeler le 36 ouais. Juste comme ça. Ouais. Ouais, appelez vraiment, ouais, bah, c'est bon. Bah, écoutez, bah, merci de nous avoir écoutés. Peut-être à la merci. Attends, ouais, oh, franchement, là, c'est un remerciement qu'il faut faire. Hein. Là, c'est les supplier, leur dire désolé, franchement. Arrête de me couper la parole, mec. Non. Donc, je disais merci de nous avoir écoutés. On se retrouvera, je l'espère, pour fêter les 3 ans l'année prochaine. Non. C'est mal barré. En attendant, bien évidemment, on se retrouve déjà dès la semaine prochaine pour Impact Wrestles. Et dans 15 jours à peu près, on aura Sunday Night Wrestles Radio. Et puis, pour débuter l'année 2013, on commencera avec les Awards. Voilà. Bon, bah, à la prochaine. Est-ce que vous avez tous un mot à dire? Juste un mot à tout le monde. Chacun devra dire un mot et on pourra se quitter là-dessus. On va commencer par Vincent. Sodomie. Ça commence bien. Hors base. Mot. Un mot. T'as dit, il faut dire un mot. Donc, un mot. Ça t'en a dit plus, du coup. Renaud. Wrestling. Sébastien. Bulletin. Verpa. Champion. Okay. NT. Stratus. Boosty. Passion, parce qu'il faut la garder. Ouh, c'est beau, ça. Ouais, surtout en ce moment. Moi, je vais dire Cunilingus, parce qu'il y a Gus dedans. Oh là. Et on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose, les mecs. Sin Cara. Sin Cara, oui. Ah. Et maintenant, il faut faire une phrase avec tout ça. Alors, Sin Cara m'a dit un mot sur la sodomie que faisait Trish Stratus au champion, et il manque quelque chose. Elle faisait ses cunilingus avec passion. Pour la wrestling. Voilà. Bravo. Classe. Voilà, merci. La classe. Bon, bah, écoutez, la collaboration. C'est sur cette superbe phrase d'Orbas qu'on va se quitter. À bientôt, tout le monde. Ciao. On aurait mérité le tag explicite sur iTunes, mais j'avais mis qu'on était un programme général et pour tous les âges, mais finalement, c'est pas du tout ça.